Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Accordéon parade. Accordéon parade, c'est le bonjour de l'accordéon tous les dimanches de 9h à 10h. Une émission que vous propose, que vous présente Michel. Et accordéon parade, c'est un plateau d'accordéonistes. Une émission pour les mordus du dépliant. 100% musette sur la bande FM. Amis du piano à bretelle, amis de l'accordéon, bonjour. Ce dimanche, Michel est en vacances, et oui, il est en vacances. Il est en vacances dans le Bourbonnais, à Châtel, en Bourbonnais. Et la semaine dernière, à la fin de l'émission, je partais effectivement à Châtel, en Bourbonnais, avec le sympathique Guy Bardet, qui va nous interpréter Châtel, en Bourbonnais, merveilleux pays. Thank you. Merci à Robert Trabucco qui vient de nous interpréter Joyeux Virtuose. Et bien maintenant, nous allons faire un petit tour à Chapelle en Bourbonnais. Châtel de Neuvre, le pays du bon Saint-Pourçain, votre vie sera comme un œuvre quand vous dégusterez ce vin. Dans ce pays où l'Allier coule, venez chasseurs ou pêcheurs, avis aux amateurs de boules, c'est pour vous le vrai bonheur. Ses campings, son église romane, tous ses gîtes et son hôtel, tout pour chasser le vague à l'âme, vous le trouverez à Châtel. Venez voir un guéluron, le cornemuseux on appelle, dans ce berceau des Bourbons. Vous trouverez aussi, quelle chance, un orchestre très réputé pour vous jouer toutes les danses. Mais oui, c'est la bande à Bardet. C'est un charmant petit coin, même si tu n'as pas le sou en poche, tu te feras des copains. Bien tu trouveras une bande, tous les bons amis seront là pour te jouer la sarabande, la bande à Bardet. Merci à Guy Bardet qui a nous présenté son pays, Châtel en Bourbonnais. Et là-bas, je fais la connaissance de Luisette. Thank you. allons écouter un grand succès de Monsieur Marceau, Aviatique, et c'est Johanna qui interprète ce grand succès de Marceau, qui a composé ce morceau dans les années 30-37. Johanna. Thank you. Merci à cet ancien pompier de Paris, Édouard Duleux, qui vient de nous interpréter la polka des As. Et maintenant, c'est un garçon qui a eu un grand succès dans les années 50, Bibi la crème, qui va nous inviter à danser la samba. Allez, vas-y Bibi! We'll be right back. Merci à cet accordéoniste qui nous vient de Belgique, c'est Yves Léanec qui nous a interprété T'oublier. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Accordéon Parade. Accordéon Parade, c'est le bonjour de l'accordéon tous les dimanches de 9h à 10h avec Michel et ses amis accordéonistes. Accordéon Parade, c'est le plateau d'accordéonistes. Une émission pour les mordus du dépliant. Et bien sûr que c'est 100% musette sur la bande FM. Amis du dépliant, amis de l'accordéon, bonjour. Ou rebonjour. On va repartir avec une valse. Une valse composée par Louis Piguri. Bella Rosa. Thank you. Un grand merci à Théodore Monet qui vient de nous interpréter Les fiancés d'Auvergne. Que tu possèdes ton charme impérieux qui m'obsède. D'où vient que je vois tout resplendir et tout refleurir au gré de ton sourire? Amapola, l'oiseau léger qui passe, la rose et le lilas chantent ta grâce. Amapola, l'onde où les cieux se mirent, n'a pas autant d'éclat que ton sourire. Le vent même t'apportant le poème que je lui ai confié ce soir pour toi. Amapola, Amapola, dans sa chanson te dira je t'aime. Après le passo-doble interprété par Lufrari Tirana, eh bien, nous allons faire une petite java. Et c'est Cyril sympathique Vosgien qui nous interprète cette java, la plus basse des javas. Réveillez le square avec Laurent. Musique. Merci à Laurent Bienvaux qui vient de nous interpréter ce morceau de virtuosité d'Émile Prudhomme. C'était le réveil du square. Quelle virtuosité quand même. C'était joli, c'était bien. Et on va continuer avec... Mais qu'est-ce que c'est que ça, Jérôme? Je vois que notre ami Jérôme Robert a une guitare. Tiens, tiens. Joli. Ah, c'est la guitare à Johnny. Je viens vous raconter l'histoire de Johnny, un cowboy qui sévit au Tennessee. Il sème la terreur dans tout le pays, et c'est ainsi depuis qu'il est tout petit. Un jour sa mère Furax lui dit, mon petit, il va falloir faire quelque chose de ta vie. Prends cette guitare, regarde les gens et souris, et va Johnny joue la comédie. Pas facile de chanter quand on n'est pas très doué, alors il joue ce qu'il peut et tape des pieds. Quand Johnny joue, toutes les filles sont à jour. When Johnny play, on sait que ça lui plaît. Même si ça sonne pas toujours bien, on s'en fout. Même si ça en passe pour lui, c'est ça qui est fou. Oh, quand Johnny joue, toutes les filles sont à jour. When Johnny play, on sait que ça lui plaît. Jusqu'en Bretagne, Johnny, il fait des jaloux, car la guitare, c'est plus sexy que le bignou. Vous avez raison de taper dans les mains, c'est les mains, ça, merci. Tes pieds, hey, quand Johnny joue, toutes les filles sont à jour. When Johnny play, on sait que ça lui plaît. Même si ça sonne pas toujours bien, on s'en fout. Même si Zana en passe pour lui, c'est ça qui est fou. Oh, quand Johnny joue, toutes les filles sont à jour. When Johnny play, on sait que ça lui plaît. Jusqu'en Bretagne, Johnny, il fait des jaloux. C'est plus sexy que le vigno. C'est de l'ambiance, hein. Hop. sont à genoux. Ouais, Johnny, play, play, on sait que ça lui plaît. Jusqu'en Bretagne, Johnny, il fait des jaloux. Car la guitare, c'est plus sexy que le vignou. Oh, car la guitare, c'est plus sexy que le vignou. Oh, car la guitare, c'est plus sexy que le vignou. L'accordéon, c'est pas mal non plus, hein. Thank you. L'accordéon parade, c'est fini. C'était une émission que vous a proposée, que vous a présentée Michel ce dimanche matin. Je pense que vous avez passé un agréable moment à ma compagnie et à la compagnie de mes accordéonistes, bien sûr. Et puis accordéon parade, c'est le plateau d'accordéonistes, le bonjour de l'accordéon, et c'est tous les dimanches. Enfin, une émission pour les mordus du dépliant du piano à bretelles. Je vous souhaite encore de passer de bonnes vacances. C'est la dernière semaine, je pense, pour beaucoup. Et on se retrouve bientôt sous les 91 MHz de votre radio sympathique sur GFM. Passez un bon dimanche, une bonne semaine en triolet. Et à bientôt! Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bon dimanche, bonne semaine, bonnes vacances, plein de bonnes choses à vous toutes et à vous tous. En compagnie de Michel qui pendant une heure va essayer de vous mettre du baume au cœur, de la bonne humeur et de chasser les ennuis. Du bonheur. Quoique, pour le bonheur, il faut pas grand chose. Un air qu'on aime, et ça, ça fait du bonheur. Fait encore beau ce dimanche. Il va faire chaud. Comment ? Ah, il faudrait un petit peu de vent. Oui, ça serait pas mal un petit peu de vent. Ça rafraîchirait, ça ferait du bien. Enfin, dès que le vent soufflera, ça ira un petit peu mieux, n'est-ce pas, monsieur Renaud ? C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. » C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai

bohémienne, ma petite reine. Je suis prisonnier quand tu fais voler ta robe de couleur. Jolie bohémienne, mon Dieu que je t'aime. Et je garde en moi le bruit de tes pas comme un porte-bonheur. Ton corps qui s'élance, c'est ma ligne de chance. Comme une espérance qui éclaire les heures. Je suis prêt à faire des folies pour te plaire. Avec tes grands yeux, tu as mis le feu au rythme de mon cœur. Jolie bohémienne, ma petite reine, je suis prisonnier quand tu fais voler ta robe de couleur. Merci à Claude Caron qui vient de nous faire danser avec cette merveilleuse valse de sa composition, Jolie Bohémienne. Et bien maintenant, on va écouter Franck. Franck qui va nous chanter une chanson, Il faut toujours croire au soleil. Franck. Chaque matin, même s'il ment, rien n'est pareil. Il rend moins dur le chemin, toi dont le cœur reste seul et sans amour, toi dont l'amour se déchire au vent qui court. Toi dont les pleurs ont voilé tout l'horizon. Ou toi la fleur qui attend d'autres saisons. Il faut toujours croire au soleil. Chaque matin, même si le monde rien n'est pareil, il rend moins dur le chemin, toi que l'argent bien souvent semble oublier, toi dont l'ami quelquefois c'est démodé. Toi dont la vie chaque jour coule à revers. Voyez l'oiseau que l'orage a dérouté. Il faut toujours croire au soleil. Garder l'espoir, son arc-en-ciel et ses merveilles, son à qui sait les vouloir, adolescent qui a peur de l'avenir. Étoile aînée dont l'étoile a pu pâlir, toi dont la foi s'est éteinte au fil du temps,

moi je préfère mon petit chapeau tyrolien qui me va si bien, qui me va si bien lorsque je mets mon petit chapeau tyrolien. Le roi n'est pas mon cousin. Voulant faire mon régiment, je vais trouver l'adjudant qui me dit vous serez caporal. J'ai répondu non merci, je veux être général. Moi je préfère mon petit chapeau tyrolien qui me va si bien, qui me va si bien lorsque je mets mon petit chapeau tyrolien. Le roi n'est pas mon cousin. Savants du monde entier vers la lune lancent des fusées, mais bien souvent on apprend que celles-ci ont éclaté sur leur rampe de lancement. Moi je préfère mon petit chapeau tyrolien qui me va si bien, qui me va si bien lorsque je mets mon petit chapeau tyrolien. Il sort ses histoires, son revolver, son borsalino. Et deux verres sur une table, et mi-vrai, mi-fable, il me raconte la prohibition. Fabriquer l'alcool qu'il revendait au juge de paix. Et un peu hors la loi, rien de mafia. Voilà pourquoi il est toujours là. Alors moi je me vois près de lui à Chicago, jouant toute la nuit au casino. Alors moi je me vois près de lui à Chicago. Il a quitté le pays. C'est tellement le vin qu'il fabriquait et trahi. Et à peine débarqué, sans savoir parler, c'est de whisky qu'il s'est occupé. Alors moi je me vois près de lui à Chicago, jouant toute la nuit au casino. Alors moi je me vois près de lui Chicago, tout le monde m'appelle tranquille Borsalino. Chicago, Chicago, Chicago, Chicago, Chicago, Chicago, Chicago. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz.

marchand Blavie qui les métaux m'a battu, c'était donc Jean Robin la queue faible, un arvé change tableau. J'ai resté là aussi moucan la bête, à chaque ma Mélanie je n'ai pas bio. Après toute cette aventure, vêtier ce qui est arrivé, je vais au black à ce tournure, y'a vos quêtes qu'on s'est déragé. Alors je demande à ce maire, qu'est-ce qu'a la Mélanie? La cale à derrière comme un gros matasin de prairie. Smeral m'a répondu, il faut drôle vire tout nu. Oh petite Mélanie, allez ban affligée, j'ai été le garçon Blavie, à grattant qu'il y a fait un abcès. J'ai malheureux pour elle, allait-elle m'a gonflé, qu'elle pourra pu mettre ses blouses à dentelle. Sa cordiotale qui est cassée à moitié. Toujours à l'écoute des 91 MHz de Tour GFM, votre radio sympathique. Vous dansez les midinettes chaque dimanche au bord de l'eau. Un vieux saxo nostalgique soupire encore une java, toujours sur cette musique. On tourne à petits pas, on se balance sur l'escarpolette et ça fait crier les fillettes. Dans le petit bal musette, dans le très gentil caboulot, un peu partout l'amour guette, on est si bien au bord de l'eau. D'amour et d'amitié, un peu de chaleur pour ton âme, pour toi tout seul, je veux chanter. Le transistor sera complice d'un secret entre toi et moi, et sur les ondes, je me glisse. T'apporter un peu de joie. Toi sur ton bateau, sur la mer, toi dans un village lointain. Un problème insurmontable tient plus là sur le tas. Laisse passer, laisse passer. Car le temps te le réglera. Ok. Que tu regrettes les soleils que tu as ratés. Je sais pour toi des jours de fête, mais cela dit, faut pas les louper. Et toi, ta chambre, c'est comme une île où tu as dû pas mal pleurer. Préparer. Autour de toi, t'as ta petite ville, prends ton banjo, viens, on va danser. Danser aux marins sur la mer, au gars d'un village lointain. À tous nos problèmes insurmontables, c'est posé là, sur la table. Laissez passer, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps te les réglera. Ok. Ok. Yeah. Danse avec le temps, monsieur, tout ça c'est pour rire. Danse avec le temps. Pourquoi me fais-tu la gueule? Pourtant moi je t'aime bien. Je te laisse jamais seul. Je fais café tous les matins. C'est moi qui fais la vaisselle, la cuisine et le jardin. C'est moi qui lis les poubelles et tout ça ne change rien. Je ne vais plus à la chasse, je ne vais plus au café. J'ai abandonné les cartes, je ne joue plus au tiercé. Je ne vais plus à la pêche, j'ai même arrêté de fumer. Mais malgré ça rien n'empêche, tu ne fais que de rouspéter. Pourquoi me fais-tu la gueule? Pourtant moi je t'aime bien. Je te laisse jamais seul, je fais café tous les matins. C'est moi qui fais la vaisselle, la cuisine, le jardin. C'est moi qui vide les poubelles et tout ça ne change rien. Mais un jour je vais me fâcher et vite tout va changer. Je vais reprendre la chasse, le tiercé et même les cartes. Je vais retrouver mes copains et ensemble on va saouler. Et pour noyer mon chagrin, tous ensemble on va chanter. Pourquoi me faisais-tu la gueule? Moi pourtant je t'aimais bien. Je vais te laisser toute seule, plus de café le matin. Tu feras seule la vaisselle, la cuisine et ton jardin. Maintenant j'ai la vie belle, j'ai retrouvé mes copains. Longue et j'ai une babysitter. Je traînais moins la jambe

Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis, si vous êtes en vacances, eh bien, bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Et bye bye, à bientôt! Sur GFM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 FM et sur le 102.5 FM.